Ça parle de crack, de. Non, t'as je pense avoir fini dans deux semaines. Ça parle de mec qui gratte, de mec qui gratte. Après, il faut qu'on livre l'autre. Ok, reste à ta place. Eh, Max, t'as fini de répéter, on y va, tu vois. Max, t'as fini ton texte? Vas-y, on y va, gros. You all alone in these streets, cousin. Every man for himself in his land, we be gunning. You all alone in these streets, cousin. Bienvenue à Paris Cash. Où les gars s'habillent en noir comme les All Blacks. Ils arrivent chez Watts. Sauf qu'il faut mettre un 47 derrière leur AK. C'est dommage. Paris est magique, Paris est magique. Mais doit de la thune à un négro. Et Paris devient tragique. Comment le mal se pratique. Vos diables sont platines. Les dealers pactisent avec un automatique. La coke, les plastiques. Les rôles, les racistes. Un politicien dans une automatique. Weya est parti, Anelka est parti. Maintenant les cœurs sont noirs, c'est une autre thématique. On est en finale, on est en finale. Bientôt l'enfer, bientôt la phase terminale. On dit tous souffrir, on sait tous courir. Négro, t'es de la viande non cuite, on va tous mourir. Sniff, sniff, on a perdu mesmer. Tu as perdu ton bras, mais ne perds pas tes nerfs. Ils n'ont pas respecté Zaïd, ils n'ont pas aimé Bruna. Faut qu'on resserre les rangs, on doit être plus fort que ça. You all alone in these streets, cousin. Every man for himself in his land, we be gunning. You all alone in these streets, cousin. Speak the wrong words, man, and you will get touched. You all alone in these streets, cousin. Every man for himself in his land, we be gunning. You all alone in these streets, cousin. Speak the wrong words, man, and you will get touched. L'affaire se passe en secrète sous tes yeux. La tour Eiffel éclaire chacun de nos mouvements. En moins de les keufs appliquent, ça fait mal. Quand ils t'agrippent, ces bâtards toujours hâle. Qui nique nos trafics, okay. Tu peux nous voir aussi au pied du Montparnasse. Hôtel de place, hôtesse et tasse, PC tasse, Carpana mes classes. Ça tourne aussi près de l'Arc de Triomphe. On passe en CLKS4. Les boucles deviennent ouf. Ça prend des risques pour remplir les caisses de foot. Le cœur, ça fait des dièses crèdes. Et les jaloux deviennent moqueurs. On se met bien la coquéade, toujours frais, on fuck pas mal. Paris tape dans l'illégal, politique normale. Ça vient du maquis, ça parle de mecs qui parlent. Que des mecs qui brassent des plaques et qui baissent pas la garde. Tu veux faire quoi à part imiter l'alco, mac, laisse les putes polémiquer. You all alone in these streets, cousin. Every man for himself in his land, we be gunning. You all alone in these streets, cousin. Speak the wrong words, man, and you will get touched. You all alone in these streets, cousin. Every man for himself in his land, we be gunning. You all alone in these streets, cousin. Speak the wrong words, man, and you will get touched. Respect à mes gars calmes comme des églises. Mais dangereux comme le Vatican, mes cérébralgies. Pillés puis détruits comme l'Égypte. Stratégie de pratiquants, ils resteront coulants comme les gires. Animal par nature, sociable par plaisir. Le plus fort est celui qui résiste, tout vu là où on réside. Mais faut pas foutre en l'air un plan, parce que la femme de l'autre te désire. Dis le président. Le voit venir de sa fenêtre. Le RG colporte nos faits et gestes. Sur la place Concorde, blanche casquette, on compte le but qui reste. Magie, toujours moyen de se taper une banquette. Et puis s'agit, les négros shootent et les trottoirs chaînent. Les meufs vipent les mecs, craquent les mères, craignent les pères. Pas des gosses, croisent le fer, grappent le crime dans leur chaîne. Toujours stratégique, réflexion prolifique. On court après le bif. Sur Paris, l'Afrique s'invite. You all alone in these streets, cousin. Every man for himself in his land, we be gunning. You all alone in these streets, cousin. Speak the wrong words, man, and you will get touched.